Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, quand la France aménageait le futur. Une série de Camille Jusa réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce moment de bascule où la nationale est devenue l'autoroute et ses souvenirs de départ en vacances sur le ruban d'asphalte entre deux stations-service avant les ceintures de sécurité. Alors pour commencer, les personnages. Un couple d'auteurs en voiture, un historien de l'automobile, un autre qui déroule, un ingénieur qui explique, deux garagistes qui se souviennent, un agriculteur qui a vu tout changer et un restaurateur qui a nourri les vacanciers. Ensuite, le décor. La CIS, des échangeurs, des bulldozers, des bétonneuses, des restoroutes, le futur, des vaches, des parkings, des péages et des mauvais sandwichs. Aujourd'hui, 3e épisode, on a un projet un peu fou. Monsieur le directeur, il y a quelque temps, votre société m'avait demandé mon accord pour publier dans l'une de vos revues des passages de ma nouvelle intitulée « L'autoroute du Sud ». Bien sûr, je l'avais accordé avec beaucoup de joie. Voilà que maintenant, je m'adresse à vous pour vous demander à mon tour une autorisation d'un genre tout à fait différent. Avec ma femme, Carole Dunlop, également écrivain, nous envisageons une expédition un peu folle et pas mal surréaliste qui consisterait à parcourir l'autoroute entre Paris et Marseille à bord de notre Volkswagen Combi, en nous arrêtant sur les 65 parkings de l'autoroute à raison de 2 par jour, c'est-à-dire en mettant un peu plus d'un mois pour faire le trajet Paris-Marseille sans quitter jamais l'autoroute. Julio Cortázar, le 9 mai 1982. Sur la Cosmoroute, une féerie autoroutière par Camille Jusa et Franck Lilin. Dans une semaine, l'autoroute du Sud sera ouverte et vous pourrez y rouler. Ce film est donc une avant-première qui tout d'abord va nous mener en quelques bonds, c'est une image, jusqu'à la RN7, puis nous permettra de démonter, comme un jouet tout neuf, ces quelques 40 km d'évasion, branche latérale comprise. Oui, j'ai vu, jeune homme, la construction de l'autoroute dans les années 67, autant je puisse me rappeler, 67, 68, 69. Je me demande si l'inauguration n'a pas eu lieu d'ailleurs en 69. Oui, 60, peut-être même 70. Voilà, j'avais entre 18 et 20 ans. Et on allait voir les travaux, parce que l'exploitation moi, de mon père était sur le hameau de Saint-Ouen et l'autoroute passe à en gros 800 mètres de la ferme. Donc on allait voir les travaux, parce que c'était des travaux importants quand même, très importants d'ailleurs. Et c'était impressionnant même. C'était impressionnant par l'emprise des terrains déjà, hein, parce que c'était quand même aussi une emprise relativement large, et puis par tout ce matériel qu'on n'avait pas l'habitude de voir tout ça, nous, hein, bien évidemment, et voilà, c'était impressionnant. Et le nombre de personnes à l'époque qui travaillaient, c'était aussi le nombre de personnes et d'entreprises d'ailleurs. Ça ressemble à rien. C'est énorme, d'une part, il y a de la boue, il y a de la... Oui, parce que nous étions, le seul garage à Tournu à faire un peu de poids lourd. Nous allions aussi sur les pistes, quelquefois, réparer les camions, quoi. Les camions qui servaient, eux, à faire les travaux d'autoroute. Moi, à mon avis, ils se sont trouvés devant beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai pas en mémoire la durée, mais toujours est-il que ça a duré quand même. Et puis les œuvres d'art, tout ça, c'était tous les ponts. Hein. Les œuvres d'art, c'est les ponts, ça a mis du temps. Hein. Moi, à mon avis, ils ont eu des problèmes. Hein, parce que des études de sous-sol, c'est pas toujours évident. Hein, quand on a un terrain qu'on ne connaît pas. D'abord, c'était une autoroute en béton, alors que les routes qui existaient auparavant en France étaient des routes plus classiques sur lesquelles il y avait un soubassement traité à la chaux au ciment et puis une couche de roulement beaucoup plus sommaire. Et ils ont importé pour cela les premières slipforms, qui sont ces gigantesques machines qui permettent de couler les chaussées en béton. Donc ça, c'est une première grande innovation. Ensuite, il y avait tout ce qui est relatif aux chaussées séparées. Alors la solution qui avait été adoptée initialement sur l'autoroute du Sud, c'était des très larges terre-pleins centraux. Puis l'autre grande différence avec les routes nationales, c'est que c'était une circulation complètement séparée. Donc chaque fois qu'il y avait une intersection avec une autre route, il fallait un pont ou un tunnel. Et en plus, comme il y avait quand même déjà l'idée du péage, il fallait contrôler les accès pour que le péage puisse être payé. Jusqu'à l'été 1978, au pâle et intrépide lecteur, nous appartenions encore l'un et l'autre à cette race de mortels qui prennent l'autoroute pour ce qu'elle paraît être. Un ouvrage moderne, minutieusement étudié, pour permettre à des voyageurs, enfermés dans des capsules à quatre roues, de parcourir un trajet facilement vérifiable sur une carte, et généralement déterminé d'avance, en un minimum de temps, et avec un maximum de sécurité. Julio Cortázar, Carole Dunlop, Les Autonautes de la Cosmoroute. Alors, il faut, je pense, remonter au problème de la question des autoroutes. Parce que l'autoroute n'est pas une invention française, on ne l'a pas créée en France. La première idée, elle est partie d'Allemagne, mais c'est en 1914, qu'aux USA, on a ouvert un premier tronçon d'autoroute à péage. Jean-Luc France Barbou, historien. Parce que le principe de l'autoroute, c'est qu'elle soit à péage, justement. Qu'il n'y ait aucune desserte des habitations riveraines. Après la Première Guerre, c'est l'Italie qui va surtout se lancer dans la création des autoroutes, avec vraiment un plan très important, autoroute promu par le fascisme, bien sûr. Et la République de Weimar, en Allemagne, met au point tout un projet de réseau autoroutier qui sera réalisé, évidemment, par le nazisme. Bon, alors en France, eh bien, dans ces années-là, on est très fiers d'avoir le plus beau réseau routier au monde. Donc, on ne voit pas l'intérêt de créer des autoroutes. Surtout que, c'est encore le début de l'automobile, hein, même si, évidemment, la progression est importante d'année en année. On ne pense pas que ça puisse justifier la création d'autoroutes coûteuses. Alors, on peut dater la première impulsion autoroutière du plan Marquet, 1934. C'est un plan de grands travaux contre le chômage. En 1933-34, c'est aussi les années où on établit le premier plan d'aménagement de la région parisienne, le plan Prost. Au point de vue routier, eh bien, il prévoit les premières autoroutes de dégagement autour de Paris. Pendant très longtemps, on ne prévoyait que des autoroutes de dégagement, c'est-à-dire des autoroutes qui permettaient de sortir des agglomérations centrales et d'amener donc le trafic sur les nationales à la limite de l'agglomération parisienne. « 14h12. Quelque part dans le 10e arrondissement, sous la pluie. Dernier détail, révision de la cargaison. » Les premiers voyages automobiles ont ce goût immarcessible, finalement, totalement indépassable, de la découverte et d'une forme de lâcher-prise, l'évasion par rapport alors à la capitale, mais par rapport à la ville qui est perçue, et le 19e siècle fait des villes ces espaces pollués qu'elles sont. Mathieu Flonneau, historien. Ces espaces difficiles à vivre, ces espaces surdenses, faut-il le rappeler, Paris, c'est 3 millions d'habitants, aujourd'hui c'est moins de 2 millions, eh bien, l'autoroute autorise, naturellement, effectivement, cet horizon lointain. 14h25, départ sous la pluie. 14h44, entrée sur le périphérique, pluie. 14h47, l'autoroute du Sud. L'autoroute du Sud, alors, elle doit partir de la porte d'Italie, là où il y avait encore la fameuse zone des Biffins, jusqu'à Morangis, Savigny, traverse la vallée de l'Orge, monte sur le plateau côté Morsan, Sainte-Geneviève, et à Sainte-Geneviève, là où il y a maintenant la zone commerciale de la Croix-Blanche, un triangle donnant naissance à deux branches, l'une rejoignant la nationale 7 et l'autre tronçon rejoignant la nationale 20 au sud d'Arpajon. Voilà. Donc ça fait une vingtaine de kilomètres. Bon. Mais l'ennui, c'est qu'on n'a plus de sous. Voilà. Et ce qui fait qu'en 1938, le projet, eh bien, il est mis dans le tiroir. C'est-à-dire que le système routier français, et vous le savez parce que c'est une idée commune très connue, est le meilleur du monde. Et donc le corps de création royale des ponts et des chaussées est évidemment l'héritier d'une très grande tradition. Et vous avez, au cours des années 30, vous avez toute une réflexion contradictoire sur l'équipement autoroutier de la France. C'est-à-dire que certains perçoivent un retard. Il y a un écrivain, témoin, du désastre de 1940, qui est Marc Bloch qui le pointe. C'est-à-dire que la France est réticente à adopter des méthodes qu'il qualifie à l'époque d'américanistes. Et on se fait une idée épouvantail, finalement, de cette modernisation. C'est-à-dire que cette modernisation décalée de la France, elle est perçue aussi comme la responsable de la défaite de 1940. Et donc la défaite de 1940, Marc Bloch, dans l'étrange défaite, et ce qui la rend étrange, c'est que la France avait tout pour ne pas subir une défaite. Une fois la grande claque de la défaite de 1940 digérée, on s'est dit qu'il fallait moderniser le pays. Donc Marc Bloch, dans l'étrange défaite, pointe l'absence de conscience de l'industrialisation et de la motorisation. Et donc on peut considérer que ce texte est annonciateur, eh bien, d'un ressort qui se tend considérablement pendant la période des années noires. Et donc l'autoroute naît, comme le boulevard périphérique de Paris, naît pendant cette période, de cette maturation d'un regard porté sur le désastre de la défaite et l'effondrement de ce qui pouvait donner des atouts à la société française. Et en 1944, le gouvernement provisoire de Gaulle décide de créer le Grand Orly. C'est-à-dire que l'aéroport d'Orly, qui était jusque-là un aéroport plutôt militaire, on décide de faire le Grand Orly. Et on dit qu'il faut absolument que cet aéroport à vocation internationale soit relié à Paris par une autoroute. C'est comme ça que le projet ressort du tiroir. Et alors, autre idée de l'époque, et ça, là, on est en 47-48. On se dit que cette autoroute, il faut qu'elle parte du centre de la capitale. Et pour cela, on décide de faire arriver l'autoroute du Sud de la porte de Gentilly. Et puis, si l'autoroute est bien en creux, eh bien, on la fera passer sous le boulevard périphérique dont le projet, à ce moment-là, commence à sortir aussi des cartons. Et on fait sortir l'autoroute au milieu de la grande pelouse du parc Montsouris. Et ensuite, en viaduc, on la fait arriver place d'Enfer Rochereau. Là, on est en 52-53, il n'y a pas encore beaucoup de trafic automobile, hein, même si la progression est exponentielle d'année en année. On reste quand même sur des petits chiffres de circulation. Hein. Pensons que, pour l'avoir, on commande la deux chevaux Citroën, on ne l'a que 2 ans plus tard. D'ailleurs, les extrapolations de chiffres du trafic, on prend les chiffres de 1935, qu'on multiplie par 3. On n'imagine pas du tout le développement que l'automobile va avoir. Avec l'automne, Paris a retrouvé le salon de l'auto, 34e du nom, que M. Vincent Auriol, accompagné de ses ministres, est, selon la tradition, venu inaugurer. Les merveilles de mécanique telles la Talbot auront toujours leurs admirateurs. Mais en ces temps de restriction, c'est vers la petite, très petite voiture qu'ira le visiteur. Devant la Dolo, il rêvera. 3 chevaux fiscaux, 23 au frein, 2 places, carrosserie de plexiglas, une merveille d'aérodynamisme et 120 à l'heure. Là, la 4 chevaux Renault, déjà connue du public, lui réservera des surprises. Pour le moteur, voire à l'arrière. Salon de l'auto. Alors l'adossement de cette problématique autoroutière, c'est aussi évidemment la motorisation de masse. Et l'automobile devient une chose publique. L'automobile devient un élément du discours modernisateur qui est consensuel. C'est-à-dire que de la gauche, voire de l'extrême gauche productiviste, à une droite patronale soucieuse de l'expansion du capitalisme, vous avez un spectre politique qui appuie ce projet autoroutier. Alors, ce qui se passe en France dans ces années d'après Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement cette grande acclimatation de la société automobile, c'est cette grande adaptation réciproque d'une population avec un objet technique qui va être de plus en plus apprivoisé, qui va devenir quasiment domestique. Tous les voyants d'une logique de progrès social, de progrès technique, de progrès économique, de progrès territorial, eh bien, sont activés par l'automobile. Alors, pas besoin de lobby. Il y a un désir d'automobile, il y a l'idée que la voiture populaire a été manquée très largement par la France au cours des années 30. Et bien considérer qu'à l'époque, cette demande, sur le modèle de l'American Way of Life, qui semble être celui d'une expansion infini, aussi long que les ailerons de voiture que la General Motors produit à l'époque, tout ceci fait que le tableau s'enrichit d'un élément qui est désormais cette res publica automobile, cette chose publique pour laquelle il n'y a pas débat. Journal de bord. Lundi 24 mai 1982. 9h03. R d'Achère la forêt. Mais la forêt est hors du parking. Station-service avec boutique. La Samaritaine de l'autoroute. On peut même y acheter un téléviseur et des pots de moutarde en forme de WC. Que pouvez-vous demander de plus au monde moderne? Les vrais WC, eux, sont propres et il y a du papier. Eau chaude. « 11h47, dramatique tempête de grêle. » Donc, en 50, violente campagne contre autoroute, c'est l'année où toute la mouvance communiste, évidemment sous l'impulsion de Moscou, déclenche une violente campagne anti-américaine contre tout ce qui est américain. Le cinéma américain, le Coca-Cola, le gin et l'autoroute. Pourquoi l'autoroute? Parce que le projet d'autoroute est ressorti des cartons avec l'idée de création de l'aéroport d'Orly. Et l'aéroport d'Orly, selon les communistes, c'est l'aéroport par lequel on fera venir les troupes américaines qui viendront battre la classe ouvrière. Voilà. Donc, une violente campagne qui dure environ 6 mois. Là, donc, on est en décembre 50, le magazine Regard, qui est un magazine du Parti communiste français, ce n'est plus le même qu'aujourd'hui, hein. Eh bien, fait un montage sur une très belle photo aérienne sur une double page. L'autoroute sud traversera-t-il votre cuisine ? Voilà, et on voit un tracé violent par-dessus les maisons du lotissement du plateau. Et puis, en 51, début 51, les communistes d'Arcueil comprennent que l'autoroute se fera. Donc, ils décident de prendre en charge tout le mouvement de défense des expropriés et expulsés. Parce que les expropriés, donc, à qui on va acheter leur bicoque ou leur petit bout de terrain, et tous les locataires, évidemment, qui sont très nombreux. C'est donc l'autoroute A6 va se concevoir par tronçon, par le nord, tout d'abord. Et donc, c'est pas l'A6, là, pour le coup, c'est là. Mais l'idée va être, au cours de ces années 50-60, et donc l'enchaînement, les plans économiques, ça va être finalement un raisonnement d'économiste et un raisonnement d'ingénieur, naturellement, mais en second plan, l'enchaînement va être de faire cette jonction entre le nord et, sans feu rouge, de gagner Marseille, donc depuis Lille jusqu'à la province Alpes-Côte d'Azur. Et donc, vous êtes devant une problématique de musculature du territoire, d'aménagement du territoire, et dans le panel des solutions modernisatrices, l'autoroute en est une. Ni plus ni moins, mais en majesté comme d'autres. Et donc on l'inaugure, on la met véritablement en valeur, on est capable autour d'elle de broder un discours de grandeur. Pour les départs de Pâques, on avait réservé aux Parisiens une agréable surprise. La mise en service du premier tronçon de l'autoroute sud qu'a inauguré M. Robert Buron, ministre des Travaux publics. Capable de débiter 5000 voitures à l'heure, voici donc ouverte la grande voie du Midi et de la Côte d'Azur. Avec son embranchement sur l'aéroport d'Orly, ce premier tronçon a nécessité la destruction de 150 logements et l'édification de 59 ouvrages d'art. Rançon de la vie moderne, grande dévoreuse de kilomètres. Mon père était ingénieur des ponts et chaussées et il est arrivé à l'arrondissement de Fontainebleau en 57 et il y est resté jusqu'en 64. Michel Sina, ingénieur des ponts et chaussées. Et donc il est arrivé dans cet arrondissement de Fontainebleau à l'époque où se prévoyaient les travaux de l'autoroute A6 dont il a réalisé une grande partie, en tous les cas il a fait la partie qui traversait l'arrondissement en question. Il y avait une forte volonté de faire cette autoroute, donc ça simplifie quand même les choses, mais en même temps c'était quand même une grande première des autoroutes, il n'y en avait pas beaucoup en France. Les techniques étaient encore tout à fait nouvelles. Et puis, ça traversait la forêt de Fontainebleau qui, même si il n'y avait pas encore les écolos qu'on connaît aujourd'hui, était déjà une forêt domaniale avec une histoire très riche qu'il fallait respecter. Levée de boucliers de tous les défenseurs de la forêt, notamment les Amis de la forêt de Fontainebleau, qui est une association très ancienne et très puissante, avec beaucoup d'adhérents influents. Il faut dire que la région de Fontainebleau, déjà à l'époque, était habitée par des gens connus, hein, des professeurs d'université, des professeurs de médecine, des écrivains, les Amis de la forêt, vont ameuter tout le monde associatif, proto-écologiste et sportif, avec le Touring Club de France, le Camping Club, même le Club Alpin, enfin bon, tout ce qui tourne autour de la Varap et de la forêt de Fontainebleau va s'associer contre le tracé de l'autoroute du Sud. Bon, alors, les Amis de la forêt vont mettre au point un tracé alternatif, auquel ils vont se cramponner pendant une dizaine d'années. Ils vont essayer de l'imposer en allant toujours plus loin pour trouver des appuis, un tracé alternatif, donc refus systématique des ponts des chaussées, acharnement de la partie adverse, qui va écrire jusqu'à la présidence de la République, en 1960, hein, on va écrire au général de Gaulle pour le faire juge du problème. Alors, on n'a pas trace dans les archives d'une réponse écrite de Gaulle. On a quelques échos, comme quoi le général de Gaulle s'est beaucoup étonné que ce problème-là soit remonté à lui. Quelques mois après, eh bien, le ministre des Travaux publics, Robert Buron, dit « Mais le général est pressé, il faut absolument qu'on débloque la situation et qu'on lance les travaux. » Voilà. Il était à prévoir qu'une progression au ralenti sur une autoroute que tout le monde pratiquement parcourt à toute allure, en s'arrêtant à peine pour pisser, prendre de l'essence ou se dégourdir les jambes sur une aire accueillante, allait être très différente de ce que nous avions connu jusque-là. Dans cette reptation imperceptible où tout s'inverse, le véhicule perd de son importance, car à peine sorti d'un parking, il lui faut jeter l'ancre dans le suivant. Les zones de repos deviennent infiniment plus importantes que le ruban gris tendu sur un espace qui dévore l'automobiliste en train de le dévorer. Plus important encore, l'altération insensible de la notion habituelle d'autoroute. Sa fonctionnalité insipide et presque abstraite fait place à une présence pleine de vie et de richesse. Les choses cherchent leur place, s'arrêtent, et de ces choses se mettent à descendre des êtres humains qui, dans la course implacable de l'autoroute, n'existaient qu'en théorie. Ainsi, les choses sont vraiment habitées. Les aires de stationnement sont le lieu et l'heure de la vérité où la vie continue d'avoir deux bras et deux jambes, tandis que la fausse vie délaisse les robots de l'autoroute et qu'ils gisent immobiles, morts, dans leur silence et leur impuissance. Journal de bord. Mardi 25 mai. 15h50. Arrivé à l'aire de Nemours. Nous dormons au motel. Une douche. Un lit. Dîner. Steak frites. Café. Vue du pont de l'aire de Nemours, l'autoroute fuit jusqu'à l'infini. Nous, nous restons. J'adore les petits déjeuners, j'en prends assez rarement, j'en prends que quand je voyage. Vous aimez les petits déjeuners, vous? Ouais. Ah. Eh bien, si on prenait un petit déjeuner à l'anglaise. Moi, j'ai pas faim. Ben quoi, pourquoi on pourrait commander des œufs brouillés, des petits cafés, un petit jus de fruits, des bonnes tartines avec de la marmelade partout, hein? Dis donc, tu sais ce que ça coûte, un petit café, un petit jus de fruits et des tartines avec de la marmelade partout? 14 francs, c'est pas cher. Ouais, ben moi, j'ai pas 14 balles. Le plein de super, Alain Cavalier. Il me reste 23 francs, tout et pour tout. C'est tout? Oui, pour descendre dans le midi et remonter avec mon pote Daniel. C'est vrai que les aires d'autoroute sont des espaces de rencontre, ce sont des espaces de convivialité, ce sont des espaces qui sont aussi référencés. C'est-à-dire que quand on donne un point de rendez-vous sur une aire, c'est assez facile à trouver quand on circule sur autoroute. Guillaume Errant, directeur général délégué, Autoroute Paris-Rhin-Rhône. À la base, elles ont été pensées pour satisfaire en fait un besoin de la voiture. C'est-à-dire que les services qui ont été mis sur les aires étaient beaucoup tournés autour de la voiture, parce que au début, les véhicules avaient des difficultés à faire 600 km sans faire des pauses pour refroidir le moteur, pour remettre un peu d'eau, peut-être un peu d'huile, etc. Donc il y avait vraiment des mini garages sur ces stations-service. Et puis bien sûr, le restaurant pour accompagner la pause et pouvoir faire des longs trajets, s'arrêter le midi, tout en restant sur l'axe autoroutier, éviter de sortir. Donc ça, c'était à l'origine. Désormais, on vise à en faire vraiment des aires pour en faire un point remarquable du voyage. C'est-à-dire qu'il faut que les gens gardent un souvenir de ce voyage sur autoroute. Et puis l'autoroute, elle sert aussi pour les gens qui roulent au quotidien sur autoroute, les gens qui font du domicile-travail. Donc on a désormais installé des systèmes, par exemple, du quotidien. On peut retirer un colis de la poste, un colis Amazon sur certaines aires, parce que c'est vrai que c'est pas pratique de recevoir des colis à la maison, on n'est pas là. Là, sur l'air, vous avez des box et puis vous recevez vos colis. C'est un exemple, mais aussi on a mis en place des boulangeries un peu plus proches de la boulangerie du quotidien. Donc en rentrant du travail, on s'arrête, on prend la baguette. Il y a des aires qui sont très bien adaptées pour ça. Huit jours déjà sur l'autoroute. Ou plutôt non, car ce qui manque précisément, c'est l'autoroute. Pour nous, elle n'est qu'une rumeur au loin, que l'habitude gomme un peu plus chaque jour, et que nous assimilons à présent sans effort au doux grondement de la mer des Caraïbes en Martinique ou en Guadeloupe. J'y tiens, il ne faut pas se laisser entraîner mécaniquement par une échelle de valeur esthétique. Les yeux fermés, les équivalences finissent même par être inquiétantes. Camion vague, moteur brisant. Ainsi, et cela nous apparaît de plus en plus clairement, notre expédition est avant tout cabotage dans cet archipel de relais. Peu à peu, nous nous sommes persuadés agréablement que notre expédition dérivait, comme celle de Christophe Colomb. L'amiral cherchait les Indes, et nous Marseille. Il trouva les Antilles et nous, Parkingland. On a des gens qui vivent un peu sur autoroute, c'est-à-dire des gens qui partent en vacances, qui s'arrêtent, qui font du camping, qui sortent la tente, qui sont sur l'air le matin, voilà, ils se réveillent comme s'ils étaient au camping et ils repartent. Donc on a ce genre de choses. Puis après, on a des anecdotes assez... On a des gens qui perdent leur conjoint sur l'air parce qu'ils sont allés manger sur un autopont. L'un est descendu d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et puis, ils n'ont pas imaginé qu'ils n'étaient pas du même côté. Ça, c'est un peu des coups classiques. On a parfois aussi des choses... qui peuvent paraître amusantes après coup, mais qui sont assez stupéfiantes sur le coup. C'est les gens qui repartent en oubliant les enfants parce qu'ils se sont arrêtés deux secondes, ils dormaient sur le siège arrière. Et puis, l'enfant en se réveillant est sorti de la voiture, les parents ne l'ont pas vu. Donc, on a eu des cas comme ça, donc, qui se terminent toujours bien. Mais c'est vrai que, voilà, on est confronté à ça. L'autoroute, c'est une ville qui fonctionne 24-24, 7 jours sur 7. Il y a la vraie vie tout le temps, en fait. Quand on emprunte l'autoroute, voilà, on rentre dans une nouvelle ville, en fait, une ville de 2200 km de long. Bon, ça c'est sûr. Le modèle, c'est l'Amérique. Dans mes souvenirs d'enfance, hein, parce que moi j'étais toute petite à cette époque-là, j'ai le souvenir d'un voyage que mon père a fait aux États-Unis avec d'ailleurs d'autres ingénieurs des ponts et où l'objectif était de ramener les techniques américaines. Et ils sont d'ailleurs revenus avec le Highway Design Handbook, la Bible de la conception des routes, qui a ensuite été utilisée comme modèle pour créer la doctrine française. Doctrine française qui n'est pas tout à fait la doctrine américaine, mais qui s'est beaucoup inspirée de ce qui se faisait aux États-Unis. Il je pense que c'est le fond de la grande différence entre le cinéma français et le cinéma américain, là-dessus, ou l'imaginaire, même pas le cinéma, c'est-à-dire l'imaginaire français et l'imaginaire américain. C'est pourquoi, à partir de 57, sur la route de Kerouac, mais même avant déjà, les premiers très grands films américains, les Griffiths, tout ça, ce qui sont, voilà, il est établi qu'il n'y a pas d'imaginaire américain, qu'il soit littéraire, musical ou cinématographique, qui ne passe pas par l'espace. Que l'art américain est un art du territoire, est un art de la traversée du territoire. Philippe Azoury, auteur. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ce territoire, effectivement, c'est la conquête de l'Ouest. On le pense toujours comme quelque chose de lumineux, c'est-à-dire ils ne font qu'un avec leur territoire. Mais ils sont passés par une guerre civile. Cette guerre civile, elle a été documentée, enfin après, elle a été racontée, on sait en faveur de qui, enfin voilà, l'histoire a été réécrite, elle a constitué un imaginaire américain, mais je pense que le road movie américain, ça vient après, c'est-à-dire que ça vient à partir du moment où, bon, voilà, désormais ce territoire est le nôtre, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on le traverse ? Puisqu'il ne s'agit plus de conquête, il s'agit désormais de savoir comment on l'habite. Est-ce qu'on l'habite comme un seul homme ? Est-ce qu'on l'habite dans une diversité ? Comment on fait ça ? C'est-à-dire que c'est plus une route à conquérir, c'est la part sombre de soi-même qu'on essaye de découvrir. C'est ça qui est rejoué. C'est-à-dire que c'est à la fois les fantômes de la guerre civile et c'est aussi une identité à constituer, qui est l'identité américaine, qui est à construire, qui est à interroger. On part, c'est des voyages initiatiques, c'est des voyages avec un trait qui est très très américain, qui est celui de la rencontre. C'est des stations de croix, les road movies. C'est pas pour boucler ma théorie, mais effectivement, Easy Rider, c'est un film qui est fascinant là-dessus. Macadam à deux voix, Two Line Blacktops, de Monty Hellman, qui doit arriver un an après, un an et demi après. C'est encore un film qui est aussi d'une très très grande amertume, d'une très très grande violence, parce qu'il montre une Amérique, comme le montrera Kramer aussi, qui n'est pas du tout unifiée. Que la guerre civile ou la conquête n'ont pas unifié et que malgré tout les différences existent, que le grand récit national ne veut pas englober et qu'il faut pénétrer la route pour les sentir et il faut pénétrer la route surtout pour rencontrer ses propres démons, c'est-à-dire ce que le récit national a littéralement enseveli. Notre imaginaire, nous, français, mais ça vaut pour l'Europe, j'imagine, il n'y a pas eu de guerre civile en France, en tout cas la route qui naît de la France, elle ne naît pas d'une guerre civile. On n'a pas un territoire à reconquérir, mais qui a été une conquête et dont désormais on doit se poser la question de comment l'habiter. Ce territoire, il a toujours été là. Et on se pose la question en des termes de capitale et de province, c'est-à-dire de centre et de périphérie, d'éventuelles connexions. C'est un vieux fantasme français de décentraliser. Toutes les routes sont censées le faire. Et puis, notre territoire, il nous est donné. Enfin, on a perdu la mémoire de ça. Mais eux, non. Ça a été un peu négatif. Ça a été négatif. Hein. Le commerce s'en est ressenti. Il y avait moins d'activité, moins de passage, moins de ne serait-ce que pour nos vieux monuments que nous avons à Tournu qui sont de majeurs, hein, à Tournu. Michel Pajot, garagiste. Ben, il y a eu moins de visites, il y a eu moins de. Parce que les gens s'arrêtaient, les gens prenaient le temps de vivre maintenant. C'est le verbe que Paris a conjugué pendant les 4 premiers jours du mois d'août. Des portes encombrées de voitures, aux gares encombrées de voyageurs, 2 millions de Parisiens s'évadaient du quotidien. La rue, l'appartement, le travail, le bistrot du coin, le marchand de journaux, la vie de tous les jours, en quête de verdure, de grand air, de soleil, et de cet ensemble si divers et si personnel qu'on appelle les vacances. Ah, Tournus, c'est la première ville du sud de la France. C'est la première ville où vous voyez les tuiles romaines sur les toits, les tuiles canales. Voilà, c'est la porte d'entrée du sud. C'était une étape importante, effectivement, à Tournus. Gérard Collin, conseiller municipal. On est situé dans le sud du département de la Saône-et-Loire. D'un côté, côté gauche, la Bresse, et puis côté ouest, les monts du Mâconnais. À partir du moment où les gens ont commencé à avoir un peu de moyens pour acheter des voitures, pas pouvoir partir en vacances, et jusque dans les années 60, 70, avant la construction d'autoroute, la Nationale 6 était engorgée dans chaque traversée de village. C'était un calvaire pour les automobilistes qui n'avançaient plus. Il y avait des fils, des bouchons. J'ai entendu parler de bouchons de Tournus jusqu'à pratiquement Sennecey-le-Grand, ininterrompus, 10 kilomètres en pleine campagne. Voilà. Et donc les voitures chauffaient, les moteurs cassaient, les enfants étaient intenables. Voilà, c'était un calvaire pour les gens qui partaient. Alors c'était surtout la période des vacances, hein, les mois de juin, juillet, août. C'était un calvaire pour les automobilistes. Les bouchons de Tournus étaient réputés, les véhicules étaient à l'arrêt, et ça passait bien sûr au compte-gouttes. Hein. Moi je me souviens, lorsque je faisais des interventions, j'étais jeune bien sûr, je garais ma voiture de dépannage sur un côté, je prenais mes outils, je traversais entre les voitures pour aller dépanner la voiture qui était en face, soit elle a un problème, soit elle chauffait, soit... Enfin, comme ça. Ça, c'était fréquent. Jean-Claude Carlier. Je suis le neveu de Norbert et Jacqueline, donc un restaurant routier qui se trouve entre Sennecey-le-Grand et Varennes-le-Grand. Donc, à l'époque, c'était la Nationale 6. Et j'y tiens encore, c'est toujours la Nationale 6 pour moi. Ce restaurant était assez coquet, donc il s'arrêtait des routiers, mais une certaine catégorie de routiers. Et à l'époque, les camions, en fonction du bruit qu'ils faisaient, on savait quel était le chauffeur qui allait arriver. Parce qu'il n'y avait pas toute cette intensité de bruit qu'il y a maintenant. Donc c'était facile, entre les deux ponts, on pouvait dire, tiens, c'est un tel qui arrive, il arrive de là, ou il arrive de là, quoi. C'était... Les gens n'étaient pas stressés, ils prenaient le temps. Ils savaient que pour aller sur la Côte d'Azur, il leur fallait deux jours. Donc pour eux, c'était normal. Par contre, ils s'arrêtaient que le midi. Ils descendaient plus bas. Souvent, ils couchaient à Montélimar, les gens, pour... continuer après sur le sud. Par contre, on avait une grosse clientèle de Belges, Hollandais, Allemands, qui eux couchaient, parce que ça leur faisait déjà une grande étape. On est le long de l'autoroute A6 et la nationale, ex-nationale 6, puisque maintenant c'est une départementale qui s'appelle 906, qui va du nord au sud, le long de la Saône qui passe également ici. Et puis nous, Saint-Martin, c'est un petit village, une petite commune rurale, proche de Mâcon, on est à 8 km de Mâcon. André Berthoud, syndicaliste agricole. Mes parents étaient agriculteurs. Sur la commune de Montblé, qui est à 10 km au nord, ici, là, l'autoroute est passée sur des terres qui appartenaient à l'époque à mon grand-père, pour certaines, et que mon père travaillait, oui, en tant que locataire. Quelques parcelles, parce qu'à cette époque-là, c'était des petites parcelles dans cette commune. Le remembrement n'était pas fait, et c'est pour ça qu'ils ont profité du passage de l'autoroute pour faire le remembrement. Le remembrement, c'est d'essayer de regrouper des parcelles, faire des plus grandes parcelles, plus faciles à travailler à l'époque. Les agriculteurs à l'époque en ont profité pour dire, bon, puisque vous allez nous prendre du terrain, il faut faire en sorte que l'État, puisque c'était l'État, finance ce remembrement. C'était une des conditions, parce qu'un remembrement, ça coûte cher. Je suis le dernier de la famille. On était quatre enfants, Charles Vermeil. On était quatre enfants, j'étais le dernier. Mais nous, on avait tellement des petites parcelles qu'on ne pouvait plus respirer, on ne pouvait plus travailler, c'était pas possible. Il y avait des buissons tous les 20 mètres, il y avait beaucoup d'oiseaux, évidemment. Quand on a vu arriver tous ces engins, on était heureux comme tout. Bah, de toute façon, on y voyait d'un bon oeil, parce que celui-là, 6, on ne pouvait plus traverser. L'été, toutes les voitures se touchaient. Il n'y avait plus moyen, on ne pouvait plus traverser à cheval. C'était infernal. Non, non, nous, c'était tout bénéfique, l'autoroute. La ferme de mes parents et de mes grands-parents était de chaque côté de la Nationale 6. Et à l'époque, mes parents avaient des vaches laitières qui sortaient sur la Nationale pour aller paître dans une prairie, tous les jours, matin et soir. Et il fallait arrêter les voitures et les camions, parce que c'était phénoménal en termes de passage. Donc, quand ils ont entendu dire qu'il allait se faire cette autoroute et qu'ils ont vu la réalité des choses, ils se sont dit, ben, au moins, après, on ne sera plus embêté par cette circulation qui devenait intenable. C'était super, hein. C'était très bien. Vous ne vous rendez pas compte, mais quand, ces exploitants sur 200 hectares, il y avait des petites parcelles, des buissons de tous les côtés, c'était invivable. On avait beaucoup de terrain humide. On ne pouvait pas drainer, puisqu'on avait des petites parcelles, on ne pouvait pas drainer. Après, on a drainé quand on avait des grandes parcelles. On a pu drainer. Mais on avait tellement de terrain humide, je m'en rappelle une fois, quand ils ont commencé à l'autoroute, ils arrivaient avec des engins énormes, des gros bulles. Moi, je leur avais dit, allez pas là-bas, vous allez vous planter. Ça va pas, avec des bulles comme là. Oh, les bulles, une demi-heure après, on ne voyait plus que le toit. Il y a resté 8 jours. Après, il a fallu qu'ils creusent avec des pelleteuses pour le retirer. Après, les terrains humides, ils les ont plus décapés. Hein. Ils ont remblayé comme ça. Comme ça, même où il y avait 3 mètres d'eau, ils mettaient des cailloux dessus. Notre but, c'était de faire nourrir les gens le moins cher possible pour qu'ils puissent partir en vacances. C'était ça le but. Il fallait produire le moins cher possible pour que les gens puissent partir en vacances. On ne s'occupait pas s'il fallait mettre beaucoup d'engrais ou pas. On mettait de l'engrais, on faisait des 120, 130 quintaux de maïs. Moi, j'écoutais ce qu'on me disait, et tous les cliniciens me disaient qu'il fallait mettre de l'engrais, il fallait mettre de l'engrais pour produire. Et c'est ce qu'on a fait, on a produit. Journal de bord. Lundi 7 juin. 21h03, les monts du Mâconnais. 21h07, panneau vignoble du Mâconnais. Nous ne les voyons nulle part. Par contre, il y a des vaches. Monsieur Pianesi, garagiste à Chalon-sur-Saône. Quand j'ai commencé, l'autoroute était en deux voies, dans les deux sens, sans barrière au milieu. Donc on avait juste une partie en herbe où les véhicules arrivaient à traverser fréquemment. Quand ça freinait un ralentissement, un coup de volant, hop, ils passaient et ils tapaient dans ceux qui venaient en face. Donc après, quand ils ont mis les glissières et les murs au milieu, ça a bien changé les choses. On n'avait plus ces véhicules qui traversaient. Parce que ça faisait chaque fois des trucs graves. Chaque véhicule de vitesse, c'était des chocs de front. Hein. Quand on arrive sur les lieux, on a tous les blessés, il y a tout est... Surtout dans les années 80, les secours, les pompiers, tout ça, ils n'étaient pas équipés comme ils le sont aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils arrivent, ils sont nombreux, ils ont du matériel, ils ont tout. C'est ce qu'à cette époque-là, on participait. Hein. Donc, c'était pas facile. Hein. On était brancardiers, on tenait les poches de sang, de sérum, de machin, pour remonter des blessés, des fossés, des trucs comme ça. C'était difficile à vivre, des fois. Surtout qu'on a eu des accidents mortels avec des gamins, avec des trucs comme ça. C'est des crises de nerfs, tout ça sur le bord de l'autoroute. C'était difficile à gérer. Quand on n'est pas formé pour, on tombe là-dessus. Surtout que quand on est appelé sur un accident, je pense que c'est toujours pareil maintenant, mais à cette époque, on avait juste le sens et le point kilométrique. Donc on ne savait pas, on arrivait, c'était l'aventure. On arrivait, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Après, oui, quand on rentre, on récupère le véhicule, on le charge, il y a du sang partout, il y a de tout. Et tout à fait au début, quand j'ai commencé en 80, s'il y avait des blessés graves ou un mort dans la voiture, on ramenait les autres passagers, ceux qui étaient indemnes. Donc c'est pas facile à vivre. Parce que quoi leur dire? S'il y a un mort dans la voiture, l'autre il a rien, c'est... Ce sont des décennies de hausse exponentielle quasiment de la mortalité routière, à un moment où la sécurité routière n'existe pas comme politique publique, va être inventée en 1972 avec Georges Pompidou, président. La mort routière qui devient un fléau, ceci est bien connu, c'est le pic des années 72-73 avec près de 16 000 ou 18 000 morts selon les décomptes sur les chaussées françaises. Mathieu Flonneau, historien. C'est la naissance des services de secours routiers, des SAMU. Vous êtes là devant une cause publique qui devient partie prenante du projet républicain autour de la route, c'est-à-dire qu'il faut être en sécurité républicaine sur la route. 29 octobre 1970. Georges Pompidou inaugure le dernier tronçon de la 6 et la liaison Lille-Marseille sans feu rouge. Pendant longtemps, la France s'est bercée de l'idée qu'elle avait un magnifique réseau routier, ce qui est vrai, et que par conséquent, elle n'avait pas besoin d'autoroute. Nous avions tendance, nos administrations avaient tendance à considérer en quelque sorte que l'autoroute n'était rien d'autre qu'une route améliorée, permettant une circulation plus rapide, plus régulière, plus dense, et que par conséquent, le réseau autoroutier devait se concevoir en fonction des besoins existants de la circulation. Journal de bord. Jeudi 10 juin. 10h23 minutes et 30 secondes. Lyon en vue. 10h24. Air de Pierre Bénite. Essence, boutique, table pour le pique-nique. Vue sur les raffineries de pétrole. Vacarme épouvantable. 10h27, première indication de Marseille. . 10h29, premier embouteillage depuis Paris. Sur la Cosmoroute, une féerie autoroutière, avec Jean-Luc France Barbou, Mathieu Flonneau, Michel Sina, Philippe Azoury, Guillaume Errand, Gérard Collin, Michel Pajot, Michel Pianetti, Jean-Claude Carlier, André Berthoud et Charles Vermeil. Merci à Lucas Monget et Stéphanie Mahé. Archivina, Viviane Lefebvre. Extrait, le plein de super de Alain Cavalier. Les autonautes de la Cosmoroute, Carole Dunlop et Julio Cortázar, lu par Elodie Hubert. Prise de son, Thomas Robin. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier, avec la collaboration de Mathias Mégy. Un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Franck Lilin. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur la route, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Les Chants de la Maladrerie, le documentaire de Flavie Pinatel sur un quartier d'Aubervilliers chanté par ses habitants. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, dernier épisode, Cergy-Pontoise, la ville qui n'existait pas. Mais en attendant, restez à l'écoute.